Loin des yeux, loin du cœur. Livre audio gratuit, un roman de Oscar Métainier. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.org.